Histoire numéro 8, Nouvelle Lune. L'histoire que je vais vous conter maintenant a trait à la Nouvelle Lune, ou plutôt à la façon dont nous autres, les Juifs de Krushnik, nous avons accueilli la Nouvelle Lune. N'oublions pas que nous parlons de la maison d'arrêt, où nous nous trouvons, moi, le rabbin et le rabbin en titre, et les sept notables les plus en vue de la ville de Krushnik. Et tout ça, pour un crime épouvantable. Nous avions tâché de défendre le boucher et de demander sa grâce, vu qu'on le menaçait de pendaison. En bref, chacun de nous moisit dans sa cellule, et pas pour 10 roubles la semaine, mais comme les voleurs et les ivrognes du coin. On moisit 1 heure, on moisit 2 heures, 3, la nuit tombe. Je vous le demande à vous, combien de temps peut-on moisir comme ça? Sans compter qu'à la maison, personne ne sait ce que nous sommes devenus, et ça, c'est le pire. Et puis en fin de compte, chaque chose a sa fin, non? À la vie ou à la mort, je vous le jure, la tête explose de pensées contraires. Des idées morbides d'un côté, des visions macabres de l'autre. D'abord, j'imagine qu'on va nous faire passer devant un tribunal pénal. Ensuite, j'estime qu'on va nous amener dehors et nous traiter selon les règles du jugement sommaire. Je nous vois déjà dans la cour, moi, le rabbin en titre, les 7 notables, et devant nous, un peloton de 12 soldats, le fusil en joue, et qui attendent juste la bonne parole. J'imagine comment, tout d'un coup, le commandant apparaît, et nous fait prononcer notre mea culpa, car après tout, les Allemands ont quand même un tempérament noble. Et moi qui bout de colère, je me dis que je vais me rafraîchir un peu le cœur, une seconde avant la mort, en lui disant ces 4 vérités, vous suivez. Et je lui récite le discours de Judas à Joseph. Écoutez, monseigneur l'Allemand, que votre serviteur parle aux oreilles de son maître. J'ai 1 mot ou 2 à vous dire, et que votre courroux ne s'embrasse point sur votre serviteur, etc. Je note qu'il est allemand, qu'il commande ici et qu'il s'est emparé de Krushnik. Je me creuse la cervelle et voilà qu'un soldat entre, un fusil chargé à la main, et me fait signe de le suivre. On n'a pas le choix, n'est-ce pas? Je me lève et je marche sur ses talons. Dehors, nuit noire. Les autres sont là aussi. Les gros bonnets de Krushnik, le rabbin en titre. Et chacun de nous a dans son dos un soldat armé d'un fusil chargé. Le chef de peloton crie « Vorwärts !» c'est-à-dire « en avant ». Nous nous mettons en marche, en silence, parce qu'il est interdit de parler. « Verboten !» Mais nous gémissons tous. Chaque pas nous arrache un nouveau soupir, comme pendant la grande prière de Kippour. Surtout, j'avais le cœur pincé pour notre rabbin, le pauvre. Imaginez, un homme de 70 ans, 75 peut-être, et même en poussant un peu près de 80. Je me le rappelle depuis mon mariage à Yonev, parce que moi, vous savez, je me suis marié à Yonev. Et lui, il venait spécialement de Krushnik, et déjà, en ce temps-là, il avait l'air vieux. Enfin, il avait les cheveux blancs, je veux dire. Depuis mon mariage, combien d'années ça fait? Attendez une seconde, je vais vous le dire. Non, je ne me souviens pas. À propos, je ne veux pas sortir de mon sujet parce que ça casse un peu les faits, vous voyez? On oublie. Que faire? Moi, d'habitude, j'ai de la mémoire. Pourvu que ça dure. Alors, donc, nous en étions... Ah oui, au rabbin. Il gémit, il brame, et nous avec, mais interdit de parler. Si seulement nos familles savaient où nous nous trouvons. Si seulement nous savions nous-mêmes où on nous menait. Rien, comme des moutons à l'abattoir. Pour sûr, il n'y a rien à attendre de bon de cette marche-là. Sinon, pourquoi l'Allemand ne nous dit-il pas le but de l'excursion? On ne nous attend pas pour un cocktail, c'est évident. Sinon, pourquoi nous presserait-il comme ça? Vorwärts! Et encore, vorwärts! Avant d'avoir le temps de regarder, nous voilà sur la route du nouveau cimetière. Je dis bien le nouveau, parce qu'à Krushnik, nous en avons 2. L'ancien et le nouveau. D'ailleurs, le nouveau, il est déjà pas mal peuplé, avec des tombes les unes sur les autres. Il va falloir en ouvrir un 3e. Je veux dire, si Dieu arrête cette foutue guerre, si Krushnik reste Krushnik, et si les Juifs restent en vie. Et comme nous marchons, voilà la lune qui sort. On regarde, le cimetière est tout proche. Voici le portail, la chambre mortuaire, et nous y voilà. Je me disais, peut-être quelqu'un d'important est mort. On a peut-être amené ici un sigil quelconque. Mais en quoi cela nous regarde-t-il, nous autres? Et pourquoi cette escorte militaire? Nous sommes là à réfléchir et à calculer. Le boucher aussi, il est là, avec ses deux soldats. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il donne des coups de pioche et il pleure. Tout ça, ça ne me dit rien de bon. D'abord, qu'est-ce qu'il a à creuser la terre comme ça? De plus, il n'a rien d'un fossoyeur, lui. Et pourquoi il pleure comme ça? De tous côtés, rien que des questions. Vous suivez ou non? Incroyable, incompréhensible. Mais tout ça dure encore moins que mon récit. Un ordre est lancé, voilà des pelles et des pioches qui sortent d'on ne sait où. On nous dispose à quelques pas les uns des autres et en avant, creuser des fosses. Chacun la sienne. Parce que le doute n'est plus permis. D'ici pas longtemps, on va nous fusiller. Vous voulez savoir ce que nous avons éprouvé à ce moment? Moi, je ne peux pas parler pour les autres. Je vous le jure, eh bien moi, je n'ai rien ressenti du tout. Mais pour ça, rien. Comment ça, rien? Le bonhomme, il vit. Il a une bonne santé, une femme et des enfants. On lui file une pelle entre les mains et on lui enjoint de creuser sa propre tombe, vous imaginez? Parce qu'on va le fusiller. Monsieur Cholet Maléchem, je vous demanderai de bien juger la question, avec exactitude et avec logique. Avez-vous quelques remarques à formuler? Non? Une affaire pareille, chacun doit faire sa propre expérience. Expliquer ça aux autres, c'est du temps perdu. Mais le bonhomme, il réfléchit quand même. Il roule des pensées dans sa tête. De quoi s'agit-il ici? De la bonne vieille histoire. Quand Dieu donne le signal de la mort, personne n'y échappe. Vous n'êtes pas tout seul dans cette affaire. De nos jours, les gens meurent par milliers, par millions, comme des mouches, comme des fétus de paille. Alors toi, Jacob Hornever, pareil. Tu es un soldat sur le champ de bataille. Idiot qui pense à la mort sur le champ de bataille. Ou au contraire, qui donc n'y pense pas? À bien y réfléchir, la guerre, c'est l'ange de la mort en personne. Quel sens l'a-t-il de prétendre que l'ange de la mort a peur de la mort? Pensez-y, monsieur Cholet Maléchem, voyez comme c'est profond. En bref, pourquoi philosopher, hein? Ce qui vous intéresse, c'est la fin, non? Eh bien, pour tout vous dire, je n'en sais pas plus que vous. Tout d'un coup, des roulements de tambour, des soldats qui courent dans tous les sens, des chevaux qui galopent, une vraie révolution. Sodome et Gomorre, un tremblement de terre, le Messie, la fin du monde. Plus un soldat en vue. Nous sommes là, tout seuls, avec nos pelles et nos pioches. Nous comprenons, je veux dire, je ne vous mentirai pas. Nous n'y comprenons rien. Nous sentons plutôt qu'il se passe quelque chose qui domine la nature elle-même. Un vrai miracle, pas moins. Nous savons que nous sommes sauvés. Mais pas moyen d'ouvrir la bouche, de prononcer le moindre mot. Nous avons la langue glacée, vous entendez? Et comme un seul homme, on dépose nos instruments de travail et au petit trot tout le monde. À la fin, on courait au grand galop. D'où avons-nous tiré le courage? Et surtout, le vieux rabbin, d'où tirait-il la force? Le fait est que tout d'un coup, il arrête sa course, se tient le cœur à deux mains et essaie de reprendre son souffle. On s'arrête tous. Ce n'est pas poli de laisser le rabbin comme ça en pleine campagne, et tout ça sans un mot. Et nous ignorons toujours ce qui s'est passé. Juste, on entend des roulements de tambour, des gens qui courent, une fusillade. Apparemment, Dieu a décidé d'appliquer le verset. Vous vous tairez et Dieu se battra pour vous. De toute façon, nous n'avions pas la force de parler. Le premier à ouvrir la bouche, c'est justement le vieux rabbin. Il lève le nez et regarde la lune. Les enfants, ce machin-là, ça vient de Dieu tout direct. Il a eu pitié de nos femmes et de nos enfants. Il a bien droit que nous récitions pour lui la bénédiction sur la nouvelle lune, c'est juste le moment. Et nous voilà plantés à l'entrée de la ville, et le vieux qui entonne « Alléluia ». Et nous avec lui. Et plus nous chantons, plus la joie nous gagne. Une pareille bénédiction sur la lune, vous n'en avez jamais vu depuis que Krouchnik s'appelle Krouchnik. Et vous n'en verrez jamais plus. Et comme je récite la formule « Shalom Aleichem », que la paix soit sur vous, j'entends la réplique à mon oreille « Aleichem Shalom, sur vous soit la paix ». C'est le boucher, lui aussi il a cavalé. Je l'avais oublié celui-là. J'avais envie de l'embrasser, d'embrasser tout le monde, d'embrasser le rabbin, sauf son respect. Il est mort depuis d'ailleurs. Ah, si vous saviez quel homme! On n'en trouve plus des comme ça. Après la bénédiction sur la lune, il s'en prend à verser du cantique des cantiques. « Voici mon aimé, il arrive !» Bon, alors ça, non. La bénédiction sur la lune, tant que vous voulez. Mais entamer un sermon sur le cantique des cantiques après une peur pareille, ça, non. Nous remontons les pentes de manteau et au galop, chacun à la maison. Et nous voilà tombés dans une autre noce. Et pour une noce, c'en était une de taille. Mais je vois que vous êtes fatigué. Vous voulez dormir. Allez, bonne nuit. Demain, je vous raconterai la suite.